Francis, bonsoir. Bonsoir. 30 ans de Paris. Exactement. Wesh, quoi? Wesh Patty. Wesh Patty, 22 ans de Caen. Wesh, wesh, big up à tous. Eh, hey, c'est celui qui a la radio derrière la baisse, merci. Oui. Celui qui a de la radio derrière la baisse que je viens de signaler. Oui, ils vont la baisser, j'y continue. Rap voisine, 25 ans de Limoges. Ouais, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Karim Péril. Karim Puéril. Karim Puéril, 21 ans d'Angoulême. Ouais, salut. Bonsoir à toi. Donc, alors, première... Oh là, qui c'est qui a la radio derrière? Fildar, s'il te plaît, essaye de gérer. Ouais. Donc, la première question, c'est les sosies. Donc, seriez-vous prêt à ressembler à votre sosie pour de l'argent ou autre? On va demander ça à Francis. Ben moi, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que par moment, j'organise des galas parce que je suis le sosie de Francis Lalanne. Ouais. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de Johnny Rock. Et bon, j'ai vu ce qu'il fait sur scène. Bon, moi, je trouve pas ça terrible parce que mon répertoire, c'est plutôt Francis Lalanne. Mm-hmm. Moi, déjà, je fais pour le pognon. Donc, d'ailleurs, j'ai la gueule pour ça, j'ai la voix pour ça, j'ai le talent pour ça. Donc voilà, moi j'ai pas à choisir, je fais que pour le pognon. Mmh. Non mais donc t'es prêt toi pour faire ça pour de l'argent? Ah mais je le fais déjà pour de l'argent. D'accord, ok. Pour le fric. D'accord. Où est-ce Patty? Wesh, bonsoir. Bonsoir. Bah moi ouais, pareil comme Francis, hein, pour l'argent. Je fais des photos avec Voici, et puis après, c'est la personne à qui je ressemble qui a les procès, quoi. C'est elle qui a les problèmes. Mmh. Non, mais toi aussi, t'as des problèmes. Ah non, moi, j'ai pas de problème. Hein. Bah, c'est le magazine qui t'emploie qui va avoir des problèmes. Hein. Bah, tout à fait, moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de problème, j'ai de l'argent. Hein. Ok. Ok, rap voisine. Ouais, alors moi, je fais pas du tout ça pour l'argent. Et donc, vu que je ressemble à mon sosie, et que je suis son sosie, bah, je peux ameuter des petites gamines de 40, 50 ans, et voilà. Mmh. Donc c'est pas ça pour l'argent, mais plutôt pour le plaisir des femmes. Question non... IRC, non? C'est pas une question, c'est juste... par contre, je sais plus où c'est, parce que c'est un peu le bordel ici. Voilà, ça commence. Enfin, si, c'est Le Chiant, il dit qu'il préfère les sosies solidas. Sosies solidas, je vois pas le rapport avec le thème du débat sur les sosies. Ah bon? Manu, une question... Non, pas une question, une affirmation Minitel 3615 Fun Radio. On dit que... Grave. On dit que Sandy, c'est le sosie de Maïté. Est-ce que tu confirmes ou pas? Non, et puis là... Alors là... Non, je préviens tout de suite, Manu. Mm-hmm. Si il y a encore des questions, tu parles de Sandy, c'est pas la peine. Ok. Ok. Je te remercie. Karen Puéril. Oui, bah moi, pour l'argent, je fais n'importe quoi, de toute façon. Hein, donc... Mm-hmm. Même sortir avec toi, hein, ça, y a pas de problème, quoi. Non, mais moi, de toute manière, vous le savez, je suis déjà pris, donc ça sert à rien d'insister. Ah non, mais je ne savais pas, moi, mince. Ouais, mais vous le savez, on en parle assez sur l'antenne, donc maintenant, oui. Vous arrêtez de vouloir me dire que vous voulez sortir avec moi. Ah non, mais ne t'énerve pas, Gérard. Non, mais moi, je préfère prévenir tout de suite. D'accord. Tu as raison, sois clair dès le départ, tu as raison. Donc, moi, je peux vous dire que moi, je serais pas prêt à ressembler à quelqu'un, même pour de l'argent, hein, parce que je vois pas du tout le rapport. Enfin. Donc, ouais. Et pour les femmes? Comment ça? Ben, je veux dire, si tu ressembles déjà à la personne, tu peux attirer les minettes. Mais de toute manière, j'ai déjà ma personnalité, donc j'attire pas mal de personnes que maintenant que je suis avec quelqu'un. Donc maintenant, tout le monde veut sortir avec moi, mais maintenant, il est trop tard. Je suis pris, mon cœur est pris, donc maintenant, c'est plus la peine d'insister. Mais, Gérard, c'est Phil là. Ouais. Est-ce que tu aimerais avoir un sosie? Personnellement, non. Pourquoi? Non, parce que ça m'intéresse pas du tout. Si ça se trouve, t'en as déjà un et tu le sais pas. Ouais, mais ça, avec tout ce qui se balance sur Internet et tout ça, donc je voudrais quand même que ça cesse aussi, cette histoire. On aurait dû en parler avant de faire les débats. Enfin. Gérard? Oui. Sur IRC, il y a Nomad qui te demande si les sosies sont à l'ail. Ouais, saucissons à l'ail, ouais. Bah, voilà. Ouais, ça m'aurait étonné. Oui. Encore Francis? Oui. Tu sais que par le monde, on paraît qu'on a 7 sosies. Alors tu peux préciser Ouais, scientifiquement, il a été prouvé qu'il y a 7 personnes dans le monde qui me ressemblent. Mmh. Donc, seulement physiquement. Donc, moi déjà, Francis Lalanne a son sosie, c'est moi. Mmh. Donc déjà, il a beaucoup de chance de m'avoir. Non, mais de toute manière, tous les chanteurs ont un sosie. Justement, la question, vous voulez la poser, mais vu qu'on a fait illusion sur... à la télé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que la question, on n'en parlera pas. Donc maintenant, la deuxième question, c'est comment est organisée une journée chez un sosie? Alors on va demander ça, Francis, comme tu sais le point de vue. Oh là là, ça commence déjà le matin, levé vers 11h. Bon, de là... Francis, oui. Je te coupe, mais je pense qu'à mon avis, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que la journée commence à 11h. Hein. Mais attends, Gérard, tu ne connais pas mon activité du soir. Ouais. Bah, si je sors jusqu'à 4-5h du matin, c'est sûr qu'avec ces gars-là, c'est qu'à 15h veux-tu que je me réveille. C'est sûr. Oh là là! Mais approche comme ça parce que. Oh, c'est rare! Comme ça, écoute. Ouais, ouais. Ça, ouais, d'accord. Ça plope, donc fais gaffe. Ok. Non, mais tu peux mettre ta main, mais tu fais doucement. Mmh. Francis, j'étais avec toi, donc je peux te dire tout de suite que ça m'étonnerait que ça commence à. Une journée commence à 11h du matin, c'est pas possible. Hein. Mais je te dis que c'est à l'heure où je me réveille, à cause des gars-là. Ouais, non, mais même, une journée, tu commences bien plus tôt. Hein. Enfin, bref, passons, je vais pas m'éterniser sur ça. Hein. Gérard, sur IRC, il y a Roadrunner qui te demande comment on fait pour devenir sosie. Non, ça, justement, il y aurait... Il y a un truc. Ouais, il y a un truc, mais lequel, j'en sais rien. Bah, il va te le dire, l'auditeur. Bah non, justement, c'est un truc chez les sosies et on peut pas le dire. Ça, c'est notre secret, on peut pas le dévoiler. C'est qui, ça? C'est Rapboisil. Rap voisine, ben ouais, ok. Et donc toi, je dirais pas, c'est mon secret, je n'en parle pas. C'est mais comment est organisée une journée chez un sosie, c'est tout? Ah, ben je me lève vers 5-6h de l'après-midi, ouais. Et puis je pars au gala vers 8-9h. Ouais, t'es pas en train de te foutre de ma gueule, ah non, là? Non, pas du tout, puisque je fais mon gala jusqu'à 6h-7h du mat, ouais. Et après je suis fatigué et je dois dormir pendant la journée. En fait, je vis la nuit. Ouais, d'accord. Comme une chauve-souris. Ouais, c'est ça. Gérard, excuse-moi, on a un nouvel auditeur, il s'appelle Michel Mathieu, il a 21 ans, il est de Beson. C'est Michel. À la place de qui? À la place de personne. Je bidouille le standard pour qu'on ait en fait plus d'auditeurs comme avant. Alors donc, tu m'as dit Michel Mathieu. Oui, bonsoir. 21 ans de Beson. Bonsoir, c'est Michel Mathieu. 108.2. Et Gégé, sur le Minitel, on me demande aussi si t'aimerais pas avoir un sosie, mais être le sosie de quelqu'un. Non, pas personnellement. T'en es sûr? Oui. Où est-ce Patty? Oh, Gérard. C'est qui? C'est Karen Thierry, là. Ouais. Tu voudrais pas être ce jour de... Oh, dans ton micro, Martin, hein. Oh, parle devant ton combiné ou sinon je te vire. Oh, non. Est-ce que tu voudrais pas être le sosie de Ricky Martin? Mais qu'est-ce que vous me balancez, Ricky Martin? Laissez-le en paix. C'est le chanteur que j'aime bien. En plus, il est mort. Non, il est pas mort, connard. Hier. Non, dans mon cul. Bah si, c'est vrai, c'est pas ça. Il a dérapé. Ben ouais, c'est ça, il a dérapé. Tout à l'heure, je vais te faire déraper quelque chose, toi, tu vas voir, tu vas pas commencer. Qui c'est que j'avais demandé? Ouais, où est-ce, Patty? Je travaille à la Sécu. Alors bon, dans la semaine, je fais 8h-16h, hein, comme tout le monde. Ouais. Et puis, le dimanche, je fais des galas. Mais je pars à 8h, je rentre à 9h. Hein. Mm-hmm. Je fais juste une chanson, alors. Ah, d'accord. Ok. Rap voisine, t'as répondu, toi? Bah oui. Donc, Karen Puéril. Oui. Bah, alors moi, déjà, je commence ma journée, je me lave, hein, je prends un coton-tige. Mmh. Et puis, bon, bah, je m'occupe de mon corps, voilà. Hein. Et donc, je travaille directement sur le terrain. Mmh. Hein. Et puis, voilà, ma journée se passe comme ça. Si t'as quelqu'un derrière, c'est plus la peine pour toi, d'accord? Mmh. Parce que je viens d'entendre que... Ouais, il y a du monde qui te soupe. Ouais, ma grande. Ouais, quoi? Hop. Bah, faut que tu gères, là. Mais je gère qui, là? Michel Mathieu. Ouais. Maintenant, je viens de le mettre. Attends, celui-là. Non, mais c'est pas lui qui a du monde derrière. Mmh. Michel Mathieu, pour toi. Ouais, bah écoute, moi, donc, comme t'as pu le deviner, je suis fan de Mireille Mathieu, donc ma journée, principalement, j'occupe mon temps à essayer de me faire la même coupe de cheveux, quand même. C'est-à-dire? Parce que... Merde. Parce que c'est pas facile d'avoir quand même une coupe de cheveux comme ça. Mmh. Et ensuite, j'ai une copine qui s'appelle Mireille Drucker et on fait exprès, on répète comme si on était en interview au cas où ça arrivera un jour, quoi, voilà. On s'entraîne. Okay. C'est faux! Mais si, tout à fait. Impossible. Il faut appeler Mireille Drucker, c'est tout. Non, vous arrêtez avec vos impossibles, là, parce que tout à l'heure, ça va gerber vite, hein, maintenant. Mmh. Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui te demande si on peut être le sosie d'une race canine. Il veut faire allusion à quoi, lui? Bah attends, je vais lui demander. Demande-lui. Donc, tu veux faire allusion à quelle race, s'il te plaît? Ouais, quand même. bulldog. Ah, faut attendre. Alors, qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça entre Karen et Wesh, Patty? Bah, c'est pas moi. Wesh. Gérard, Yankee, il dit bulldog mystère. Ouais, mais ça, faut arrêter. Non, faut arrêter là-dessus, d'accord? Arrêtez! Bon, et toi, tu te calmes un peu, c'est moi qui gère, d'accord? Manu? Arrête! On me demande combien ça coûte en euros, un sosie. Oh là là! Mais, t'arrêtes de taper comme ça, après on va dire que c'est moi, espèce de con! Arrête, commence pas à balancer des trucs, t'es fou! Arrête, tu vas pas commencer, toi, hein? Oh, t'es pas à nuit. Ouais, tiens-toi bien un peu, on te regarde. Ouais, tu vas pas commencer. Parce que peut-être que Michel Labrou, il peut appeler à tout moment sur la ligne. Ouais, bah toi, tu vas déjà commencer par gérer ce que je t'ai demandé, ok? Oh, même pas pour la tablette! Oh non! Bon, ouais! Piquez des euros dans mon sac! Bon, ouais! Tu me gères ça, toi, tu te gagnes! Ouais. Tu te manges vite! Ouais! Gérard? Quoi? Allô, Gérard? C'est qui? C'est Karen! Je t'écoute! Oui, est-ce que Sandy a un sosie? Non, Sandy, elle a pas de sosie, Sandy, elle vous emmerde! Tout bataille. Bon, on revient au débat, Gégé, s'il te plaît? Oui, bon, ouais! Oui, je les gère. Toi, tu me les gères parce que sinon, tu vas aller à l'arrière. Hein. Ouais. Là-bas, je le sens. Là-bas. Troisième question. Être un sosie est-il une passion réputée? On va demander ça à Francis. N'importe quoi. Oh, la fille. Oh là là là. Oh, Puldar! Quoi? Ton boulot, là, de gérer. Pardon, excuse-moi. Attends deux secondes. Comme ça, je fais un guerre. C'est bon. Alors, Francis? Oui. Donc pour toi? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Être un sosie est-il une passion réputée? Bah, déjà, il faut avoir la tête de la personne. Ouais. Donc, si t'as la tête de la personne, c'est même plus une passion, tu le vis tous les jours. Mm-hmm. Bon, moi, malheureusement, je suis fan de Francis Lalanne, donc de ce côté-là, bon, je suis pas trop gâté par la personne au niveau médiatique. Donc, une passion, il faut vraiment trouver les fans, quoi. Mm-hmm. Ok. Wesh, Patty? Wesh. Tu peux répéter ta question? Non, je la répète plus. Bah, j'ai pas retenu, donc je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Oh là là. Gérard, tu te réveilles, quoi? Non, tu me vires ça parce que moi j'en ai marre de répéter les questions, maintenant ça commence à bien faire. Ah ouais, mais j'ai un standard bidon. Ouais, non, mais t'as un standard bidon, tu te démerdes. Rap voisine. Rap voisine. Opéra. Allô. Ouais, bah ouais. Rigo. Si je te rends en tête, c'est pas possible. Oh. Mais il est là, Gégé. Oui, donc, la seule gloire que ça m'apporte, c'est d'avoir des grands-mères avec des doubles foyers. Excusez-moi, okay, c'est dans le studio. Oui. Attendez, les auditeurs. Non, il n'y a pas d'attendez, d'accord. Moi, je fais mes débats. Attends, Gérard, j'ai le PDG d'RTL en ligne. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Ouais, bah, c'est ça, oui. Moi aussi. Rap voisine. Je vais le calmer, vous inquiétez pas, je vais le calmer. Oh là là, vite fait. Assurez les auditeurs, on a eu un... Rap voisine. Oui, donc, je disais que la seule gloire que ça m'apporte, bah, c'est des grands-mères qui ont des doubles foyers et qui me confondent avec Rock voisine, en fait. C'est tout. Voilà. Mais Gérard, t'écoutes pas, hein. Excuse-moi, rap voisine, mais... Si, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pour les grands-mères qui ont des doubles foyers, c'est ça? Et puis? Je sais pas quoi, après. Bravo. Allez, hop, tu joues. Bravo. Ouais, bah, rap voisine, si t'es pas content, c'est pareil. Mais toi, tu t'écrases. Bravo. Toi, tu me gères les auditeurs parce que pour l'instant, tu commences à foutre de la merde. Voilà. C'est de la tempête. Mais Karen Péril. Oui. Péril. Alors, moi, c'est pas une passion, hein, mais disons que c'est pour trouver l'homme de ma vie. Être un sosie est-il une passion réputée? C'est pas pour savoir si tu es pour trouver l'homme de ta vie ou pas. Non, oui, mais c'est pas une passion. Alors tu peux préciser? C'est-à-dire que c'est un métier. Pour calmer le débat, je voulais te dire quand même qu'on a dépassé les 6000. On est à 6222. Ce qui est bien, ça applaudit pas. Ok, bravo. Merci. Quand même, c'est cool. Et faut laisser Snooze. Je voulais juste dire, il y a Snooze, il revient dans 30 secondes, il est parti chercher à manger. Ok. Michel Mathieu. Ouais, Michel Mathieu, ben moi je pense que c'est plus qu'une passion, comme tu disais. C'est une philosophie. C'est carrément même, je dirais, un mode de vie au quotidien, au journalier, quoi, tu vois. Mmh. Tous les jours. Ouais, mais précise un peu, parce que là, vous me donnez des réponses vagues. Bah, si hein. Tu veux, moi, je suis fan de Mireille Mathieu. Moi, je me réveille le matin, je me réveille Mireille Mathieu, je mange Mireille Mathieu, je ouais. dors Mireille Mathieu, je baise Mireille Mathieu, je fais tout Mireille Mathieu, quoi, tu vois. Ah, ok. Donc, toi, ouais, t'es carrément fan de Mireille Mathieu. Ah, bah, c'est clair. Ouais, mais précise ton nom. Est-ce que tu chies Mireille Mathieu? Ouais, pas mal, ouais. Voilà, j'ai... Tu la bourres aussi, Mireille Mathieu. Merci, ouais. Pildar. Hein. Ouais, attends, faire, je me fais un coup de combiné. Ouais, bah, moi, je m'en fous, mais merci, parce que comme ça, on n'a pas entendu la question à Michel. Ouais, c'est pas grave. Il me demandait si je baisais Mireille Mathieu, je lui disais oui, je baisse des chèvres, oui. Et tiens, d'ailleurs, je vais te demander autre chose. Tu sais pourquoi Mireille Mathieu n'a pas le vagin dans le front? Vas-y. Bah, c'est tout simple, parce que t'as déjà essayé de lui rentrer quelque chose dans la tête. N'importe quoi. Alors là, ta blague, tu peux te la carrer au cul, hein. Ok, oh là pas de problème. Alors, la cinquième question. Les animateurs radio de télé ont-ils un sosie? Et on va s'écouter Dick Rivière avec Les Matins, la banane, toute dure. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000. Et toujours 3615, Captain Radio, rubrique directe et double... Et... On a au 0803-08-5000. Fagnez-vous, merde, j'ai pas que ça à foutre. Toujours le Minitel au 3615 Fun Radio, rubrique direct. Manu qui est aux commandes. Oui. Et Rigo qui est sur l'IRC, donc www.fr. C'est www.fr Fun Radio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Double flash. Le double plat. Le whisky. Ouais, c'est ça. Donc, on récupère Francis Lalanne. Lalanne. Allô? Oui. Donc, bon, rebonsoir à toi. Rebonsoir à toi aussi. Wesh Patty. Bah non, je le dirai. Donc, elle est partie. Rap voisine. Ouais, salut, c'est moi. Bonsoir, GG. Re-salut à toi. Karen Puéril. Puéril, oui. Rebonsoir. Rebonsoir, Gérard. Michel Mathieu. Oui, rebonsoir à toi. Bonsoir. Et Jean-Pierre qui est passé avec ses chansons. Donc bonsoir à toi, Jean-Pierre. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? C'est la fête de la musique. Ouais, non, mais c'est bon. De la culture. Non. J'achète mon disque. Tiens, non. Direct. Hey. Et pour l'instant, c'est pas un débat sur la musique, c'est un débat sur les sosies. Oui. D'accord. Bah, vive les blaireaux quand même. Hein. Ouais, non, mais... Bah, quand même. On répond correctement aux questions, c'est tout. Okay. Alors, on va changer, parce que vu que je termine qu'à 2 heures, donc il reste encore quand même une heure, yes. Plus d'une heure à faire. Ça, c'est bon, tu vas pousser jusqu'à 3 heures, quoi. Non. Êtes-vous fan de quelqu'un, si oui? Êtes-vous d'accord? Donc, alors, je précise la question parce que c'est... Mais, c'est compliqué, hein. C'est Pildar qui l'a dit. Donc, vous, par exemple, si vous êtes fan de... Par exemple, tout à l'heure, j'entendais... qui c'est qui me disait Mireille Mathieu? Donc, c'est Michel. C'est Michel. Hein? Michel. Donc, si oui, êtes-vous d'accord? Donc, le pourquoi... êtes-vous d'accord? Si oui, êtes-vous d'accord? Donc, bah oui. Être fan de quelqu'un. Donc, je pense que tout le monde est fan d'un chanteur préféré. C'est clair. Donc, on va demander à Jean-Pierre, comme il vient d'arriver. Faites la musique. Bon, Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui. Oh là là. Oh non, Pildar. Pildar, c'est quoi, là? C'est Jean-Pierre. Oh non, non, mais attends. Oh. Jean-Pierre. Oh là, Jean-Pierre, c'est Gérard, là. Tu réponds correctement aux questions, sinon c'est pas la peine. Ouais, c'est clair. Ah, ok, bien sûr. Hein. Ouais. Non, mais on s'en fout du ministère de la Culture et tout ça. On n'est pas là pour parler politique, ok? Oh, mais j'entends tout le monde qui pèle, qui parle en même temps. Et... Ouais, non, mais pour l'instant, c'est moi qui te parle. Donc tu réponds correctement à la question, sinon c'est pas la peine de faire le débat. Ouais, mais j'écoute ta question, tu peux parler, vas-y. Non, mais maintenant, tu réponds à la question. Le ministère, maire. Oh là, allez. Gérard, sur IRC, il y a un petit sondage que Triso m'a envoyé. Ouais. Alors, à la question, avez-vous un sosie? 54% des personnes ont répondu non, j'ai voté contre. 27% pas du tout, je suis hétérosexuel. 18% non, je n'écoute pas les To Be Free. Et 12% vous pouvez répéter la question. Une seule personne a répondu oui, mais je suis pas sûr. Mais comment que ça se fait que j'ai pas de sondage comme à Neuilly, là? Bah parce qu'on n'est pas à Neuilly. Non, parce qu'on s'est fait voler le PC. L'institut de sondage. On s'est fait voler l'ordinateur, donc pour le moment, on attend à nouveau. Ah, d'accord. Ouais. Bon, alors, Michel Mathieu. Suite à ta question... Attends, Michel, pardon. Oui. Suite à ta question, sur Minitel, on te demande, est-ce que tu penses pas que pourquoi pas et dans quel sens? Mais qui c'est qui pose cette question de naze? Nomade. Un nomade, ben, c'est même pas la peine d'y répondre parce que qu'est-ce que tu veux que je réponde là-dessus? Bah, ouais. Je sais pas, il me dit ça ressemble à la scène, ça... il aimerait bien que tu répondes à la scène. Ça ni queue ni tête. Ça ni queue ni tête, ça va être comme tout à l'heure sur l'IRC, quand on va faire des débats, la conclusion du débat, il y en a qui vont me dire, ton débat a eu ni queue ni tête comme toi. Ça, je m'en doute encore. Et là, vous pourrez rajouter sans jambes. Ouais, bah, toi, pour l'instant, je t'ai dit de me virer lui là. Parce que c'est pas la peine de le garder s'il répond. Allô? Michel Mathieu, donc, pour toi. Ouais, bah écoute, moi je vais te dire que déjà je suis d'accord. Donc oui, à cela je peux ajouter que je réponds par l'affirmative et je pense que ça c'est dans tous les sens, donc il n'y a pas besoin de préciser quoi, tu vois. Non mais donc t'es fan toi de Mireille, à fond de Mireille Mathieu. À fond, 100%, je te dis je fais tout Mireille Mathieu, moi il n'y a pas de lézard. Mm-hmm. Ok. Donc oui, à 100%. D'accord. Donc toi c'est oui, sans même savoir êtes-vous d'accord, donc toi pour toi c'est carrément oui d'entrée. Voilà, moi j'ai pas besoin d'être d'accord, c'est oui direct. Ok. Voilà. Karen Puril. Oui. Alors moi je ne suis pas fan de Karen Puril. Cheryl. Moi je suis fan de. Oh là là, arrête de fumer. Ouais, je direct. Ne fume pas. Vas-y, fais tourner. Je ne fume pas. Hey, tu réponds correctement ou sinon je fais comme Wesh Patty, je te vire. Allez, ah bah non. Dehors. D'accord, Gérard, d'accord. Mystère, mère. Bon, ouais, ouais. Allez, Jean-Pierre, tu le vire. Oh non, mais il chante bien pourtant. Non, moi, c'est pas un débat sur les chanteurs, c'est un débat sur les sosies. Gérard, oui. Au revoir pour lui. Excuse-moi, à la place de la petite, la Wesh Patty, on accueille Magali Alain. Magali Alain, 23 ans de. Ça fait rire Ego, je comprends pas. De Clermont-Ferrand. Désolé. Bonsoir, Magali Alain. Bonsoir. Oh cochon. Bonsoir, ça va? Ouais, tu vois, il faudra peut-être te réveiller quand on t'appelle, hein. Oui, j'ai plein de bips, alors suis-moi. Comment? Non, mais c'est fait... quoi ta question, Gérard? Non, mais attends, pour l'instant, je te dis, tu te réveilles quand on parle. Quand on a voulu l'accueillir, en fait, je l'ai passé à l'antenne. Et quand on l'a passé à l'antenne, en fait, elle n'entend plus pendant deux secondes l'antenne. Ouais. D'accord. Par contre, tu me vires Jean-Pierre et puis l'autre, là, comme ils veulent pas répondre correctement aux questions, c'est pas la peine, hein. Ok. Donc, rap voisine. Ouais, moi, alors, exactement, je suis fan, fond fan de rock voisine. Ouais. Et non, je suis pas d'accord. Mais tu peux préciser? Bah, je précise, je suis pas d'accord. Mais donne le pont de ta pensée. Mais je suis fan de rock voisine, je le kiffe. Mais ouais, mais d'accord, tu le kiffes, mais précise le pont de ta pensée. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Oh là. Bon, bah alors, d'accord, bah c'est ça que je veux entendre dire. Bah, c'est ce que je viens de te dire il y a deux minutes. Mais non, toi, tu me dis que tu le kiffes, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que ça veut dire, je te kiffe? Ouais, bah c'est bon, tais-toi pour l'instant. On demande sur le Minitel si t'as une idole, toi. Bah ça, justement, je répondrai après, quand tout le monde aura répondu. C'est Jabba. Jabba, je dirais que Jabba. Jabba. Toi, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Parce que tout à l'heure, tu as dégagé vite fait, toi. C'est Jabba plus grosse qu'une hutte. C'est qui parle comme ça? Qui c'est qui parle comme ça? Ouais, c'est Polo. Ouais, c'est Polo. Ta gueule, Iti! Ouais, ta gueule, Iti. Bon, alors, tu me gères ça, toi, vite fait. Allez, hop, tu gères. Allô? Ouais. Ouais, à la place de Karen Puril, on accueille Véronique Dusson. Bonsoir, Véronique. Moi aussi, je vais changer de prénom. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Salut, Véro. Salut, Véro. Salut, tout le monde. Salut, Véro. Allez, d'où? Elle est de... T'es où d'où, déjà? Je suis de Paris. Voilà. T'as ton piano? Non, non, mais c'est bon, laisse-les dire leur connerie. Magali Alain? Oui. Donc pour toi, ah ouais, toi t'étais au standard, donc t'as pas entendu la question, c'est ouais. ça? Ouais, ouais, c'est ça. Donc je répète pour toi et pour Véronique. Donc oui. Êtes-vous fan de quelqu'un? Si oui, êtes-vous d'accord? Moi je suis fan d'Étienne Dao. Ouais. Mais je le ressemble pas du tout. Oh, c'est clair. Mais non, mais attends, t'es déjà une nana, tu peux pas ressembler à un mec. Ouais, non, mais je te dis, je suis fan de lui, quoi. Ah, d'accord. Tu vois. Mais t'as entendu, là, sur M6, là, le week-end qu'ils font sur lui? Oui, j'enregistre. Eh ben, t'as de la chance, hein. Merci pour l'info, Gérard. Voilà. Véronique, de Paris. Oui. Alors, moi, je suis fan de Wonder Woman. Ah. C'est une animée... Une actrice, télé, ouais. Actrice. C'est une... Wonder Woman. Ouais, t'en as voilà. Une qui joue dans des films. Ouais, voilà, oui, tout à fait. Ouais, donc... Mais moi, je suis complètement d'accord, quoi. Hein. Tu me calmes un peu, là, ceux qui s'amusent à faire des conneries, là, Manu? Ouais, sur Minitel, toujours, il y a toujours Nomad qui demande si toi, t'es un fan de Christine. De Christine. Ah bah, alors là, c'est même pas la peine qu'il répondrait pas. Il m'entend sur moi. Ouais, bah ta gueule. C'est tout. Voilà des euros dans mon sac. Qui c'est qui reste qui a pas répondu? Ah bah Francis. Il y a Jean-Pierre aussi. Non, non, je t'ai dit de le virer, lui. Mais il veut pas partir, il me non, dit... Non, non, non, non. J'ai envie de jouer. Non. Il a envie de jouer, il va pas... Pour calmer le débat sur... Voilà, merde. Gérard. Tu le vires, s'il veut. Gérard, c'est quoi, là, ce bordel? Tu me le vires. Propose un sondage. On va s'éclater. On va se faire péter le fion. Oh là là. Tu le vires complètement. Je veux pas le savoir. Il veut pas partir. Tu le vires comme là, quand même. Je peux pas. Je veux pas le savoir. Tu le vires. Non, mais le problème, c'est qu'avec ce standard-là, si les gens, ils raccrochent pas de leur côté, nous, on peut pas leur raccrocher aussi. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Il vire. Je bloque une ligne. Alors, dis-lui. Jean-Pierre, tu raccroches ton téléphone. Je ne veux pas de toi dans mes débats. Ok. Alors, Francis Lalanne. Non, mais il a raccroché Francis Lalanne. Il faut que j'en trouve un autre. Putain, mais tu me fais quoi, toi? Gérard, pour calmer le débat, il y a Cyberon GG sur l'IRC qui te demande est-ce que les sosies sont bisexuels? Bon, là, je peux pas te dire, parce que faudrait. Et il dit si tu peux pas dire, pourquoi? Ben, parce que je. Vas-y, réponds. Mais ça, à mon avis, ça dépend de la marque. Ouais, je pense là-dessus. Donc moi, je peux vous dire que je suis fan de plusieurs chanteurs, donc j'irai pas m'éterniser sur eux. Si on veut des noms quand même. Hein. Non, mais les noms, tout le monde les connaît par cœur, donc. Redis. Il y a Michel Sardou, il y a Ricky Martin, donc et puis plein d'autres. Voilà. Donc, cinquième question. Ouais, j'ai répondu à celle-là. Ouais. Plume, mon micro, merci. Il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande est-ce que des jumeaux sont sosies? Alors là, c'est pas évident. C'est pas évident non, pas du tout. Pas du tout. T'as rien à voir. Je peux pas te dire si. Pourtant, dans les groupes qu'il y a à l'heure actuelle, il n'y a pas de sosie, ils sont pas jumeaux, ils se ressemblent pas tous. Bah, tu sais le groupe là, David et Jonathan. Non, mais ça c'est pas pareil. Hein, ils sont sosies, hein. Non. Bah, ils sont quoi? Ils sont frères? Non plus. Jumeaux? Non plus. Bah, ils sont quoi? C'est deux chanteurs différents, c'est tout. Mais ils sont copains ou pas? Ouais, dans la vie, oui. Manu? Ouais, sur Minitel, il y a Zozo qui demande si t'étais fan de Lady Di. Non. Pas du tout. Pourquoi? Où est le rapport avec les sosies? Ouais. Bah, je sais pas, c'est fans aussi. Ah ouais, c'est les fans aussi. Ouais, non, mais. Les fans des sosies. Ouais, non, mais personnellement, moi non. Donc, qui c'est qui nous reste? Alors, Magali, Rob Voisine, Véronique et Michel. Magali, Alain. Oh là là. Donc, TG, les fans de King Kong. Non, pas spécialement. Alors, donc là, c'est la cinquième question, et là, je pense que tout le monde va bien répondre, j'espère, parce que sinon, ça va se terminer au vinaigre. Ouais, vas-y, ouais. Alors, les animateurs radio, télé et autres, ont-ils un sosie? On va demander ça à Magali. Magali Alain. Ouais. Si je veux dire Magali, je reste sur Magali, c'est tout, oui, je vais non, pas poser. C'est vrai que tu m'appelles Magali Alain. Ouais, ben moi, si je veux dire Magali, c'est tout. Bon, d'accord. C'est moi qui commande quand je fais mes débats. Bon, enfin, c'est pas les auditeurs. Je préférerais quand même, mais bon. Bah là, dans la région où j'habite, il y a un mec qui s'est passé pour toi. Mm-hmm. D'ailleurs, j'appelais un peu pour ça aussi. Parce qu'il signe des autographes et des choses comme ça, quoi. Mm-hmm. Et t'as pu récupérer des preuves? Moi, j'ai un autographe de toi. Qui date de quand? Qui date d'il y a 15 jours. Je l'ai vu il y a 15 jours. Ouais. Et tu peux faire une photocopie et puis m'envoyer vraiment la preuve? Il n'y a pas de problème. Ok, Manu, sur Minitel, il y a quelqu'un qui nous dit « Moi, je suis le sosie de Sandy et je m'appelle Robert. » Bah lui, il va se faire foutre. Ah, c'est clair. Il laisse Sandy tranquille. Alors Manu, je te préviens, c'est la dernière fois que tu me dis des questions de Minitel à propos de Sandy. Okay. Parce que Sandy, vous lui foutez la paix maintenant. Moi, je connais un Raymond, par exemple. Ouais, bah toi, tu te tais, toi. Rap Voisine. Oui, alors moi, j'ai entendu parler que... Enfin, je t'ai jamais vu, Gérard, mais on m'a dit que tu ressemblais à Brad Pitt. Non, mais si c'est pour me répondre des conneries comme ça, ça sert à rien. Bah, c'est pas des conneries, c'est ce qu'on m'a dit. Je te demande, est-ce que les animateurs radio, télé ou autres ont-ils un sosie? Merci pour le larcène. Donc oui, pardon. Je pense que ton sosie, c'est Brad Pitt, selon ce qu'on m'a dit. Manu, fais gaffe. Pardon, ben, j'ai pas fait exprès. Ouais, non, mais fais gaffe quand même. Ok. Oui. Véronique. Ok. Oui. Véronique. Véronique. Elle arrive. Punaise, mais... Oui, alors, eh bien, vous m'entendez? Oui, on t'entend, alors tu réponds. Bah oui, mais je... Bah oui. Oui, alors, eh bien, forcément, on se dit qu'ils ont un sosie parce que... T'as une voix de pas belle, toi. Ouais. Bon, vous fermez vos gueules derrière quand les gens répondent, s'il vous plaît. Merci. Merci, Gérard. Merci. À Joël. On les voit plusieurs fois, parfois, à la télé. À Joël, la pas belle. Donc, c'est pas possible. Hein. Joël, ça. Forcément, non. Ils ont un sosie. À Joël, la gamelle. C'est peut-être le sosie d'Anne Joël. Ouais. C'est peut-être le sosie d'Anne Joël, ouais. Anne Joël, c'est la rondelle. On se calme. Faut avoir faim, putain. On se calme. Ok, Michel. Michel Mathieu, à toi. Ouais, bah écoute, moi pendant les vacances de Noël, comme je suis un bon blaireau, j'ai regardé, tu sais, l'histoire là sur la 2 avec le dauphin. Et il y avait un plongeur italien là qui s'appelle Umberto Pellizzari, il ressemble quand même beaucoup à Max, moi je trouve. Attends, un truc sur les dauphins, sur la 2. Ouais, tu sais, il y avait l'histoire du dauphin là qu'il fallait sauver, et t'avais un des plongeurs, il était italien, et ben il ressemblait vachement à Max. Je sais pas si t'as vu la série. C'est Flipper, non? Ce Flipper? Mais non, c'est pas Flipper. Flipper the Dolphin. Non, c'est plus... Moi, je pense que tu devrais faire bon, sosie de Ricky Martin. Moi, tu penses? Ouais, GG, moi, je suis... Vous vous calmez, là? Michel. J'aime pas trop ça. Vous vous calmez, là? C'est moi qui commande, quand même, là. Ok, vas-y. Donc, Michel Mathieu, déjà, pour commencer, l'histoire de ton truc du dopage sur la 2, ça m'étonnerait. Si, mais les auditeurs, ils comprendront, je t'inquiète pas. Les auditeurs, ils vont comprendre, ça m'étonnerait. Toi, moi, je trouve que tu ressembles quand même un petit peu à De Niro, surtout dans le film de Frankenstein. Ouais, et toi, tu ressembles à... Robert Carrey Ford. Comment okay. Alors arrête de regarder les cassettes des inconnus parce que c'est pas drôle. Ouais. Gérard, sur IRC, il y a Rip qui te demande si ton sosie, il est aussi con que toi. De toute manière, il est aussi con que celui qui vient de poser la question, tu vois. Comme ça, il est renseigné, celui-là. Coton-tige dans son cul. T'es trop cool. Ça commence à bien faire, là, Manu. Tu vas me couper ça ou quoi, là? C'est les auditeurs. C'est les auditeurs. Alors, qui c'est qui a... C'est encore toi qui a été leur dire des conneries. Non, j'ai rien fait. Là, terminé. Ta gueule va te faire foutre, alors dégage. Allez, terminé pour toi, dégage. Au revoir. Oui, je l'ai viré. À la place de Francis Lalaine, on accueille Maxime le charpentier, 19 ans. Moi, je veux changer de prénom. Moi aussi. Non, mais attends. Ferme ta gueule toi-même, connard. Merci à GG. Alors déjà, lui, il va pas... Je sais pas qui c'est. Non, c'est celui qu'on vient de prendre, donc il dégage comme mais ça. Mais non, il est pas arrivé encore, il est même pas à l'antenne. Tiens, non, il est pas à l'antenne, alors qui c'est qui vient de me dire, ferme ta gueule, connard. C'est un autre mec. Ouais, alors lui, il va fermer sa gueule lui-même. Il va raccrocher tout de suite. D'accord, donc Maxime le charpentier, qui a 19 ans et qui habite à Lille. Bonsoir. Salut, Gégé. Salut, Maxime. Le forestier, mec. Non, charpentier. Le charpentier. Non, là. C'est moi qui t'ai insulté, Gérard. C'est qui? Rap Brésil. Alors tu dégages, au revoir pour toi. Dégages, tu raccroches. Dégage, ça t'apprendra d'être poli avec moi. Merci. Je crois pas qu'il soit en train de lui botter le cul, mais en tout cas, il fait quelque chose à son cul. Hey, Cartman, tu te calmes. Manu, tu vois la deuxième machine. La deuxième, là. Non, là-bas. Là-bas, tu clignotes, là. Tu t'amuses pas. Ouais. Tu t'amuses pas à appuyer pour le remettre d'accord. C'est ton jingle, ça. Ouais, mais c'est pas la peine. Donc tu me récupères. Je vais te dire ce qui reste. Il y a Maxime le charpentier, il y a Magali Alain, Et Michel Mathieu et Jean-Pierre II. Non, Jean-Pierre II, j'ai dit non. Jean-Pierre? Oui. Jean-Pierre, tu raccroches. Jean-Pierre, tu raccroches. Jean-Pierre, tu raccroches. Bonne nuit. Punaise, il est borné ou quoi celui-là? Oui, je comprends pas. Jean-Pierre, tu raccroches, je ne veux pas de toi dans mes débats pour dire des conneries, d'accord? Alors tu raccroches ton téléphone, ok? Ouais, coupé et voilà. T'as qu'à raccrocher toi-même. Mais je peux pas, on m'a appelé. Non, mais tu raccroches, tu vois, t'as un combiné. Hein? Et sans ton combiné... Non. Ça va être une star bientôt. Non, je veux pas le savoir, moi, il raccroche, j'en veux pas dans les débats. Non, mais t'écoute, t'as du talent. Pour l'instant, moi, je te dis que je te veux pas dans mes débats, c'est tout. Je veux pas participer à ton émission, mais je t'écoute, t'as du talent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi t'as demandé à Max qu'on te rappelle? Alors, tu raccroches et c'est tout. Hop, au revoir pour toi. Je dois plus t'entendre. C'était juste pour t'écouter, t'as du talent. Non, on peut pas. On peut pas le dire. Je peux savoir, là? Le sosie de 70, c'était Jackie Sardou. Hein. C'est toi qui as voulu. Qui c'est? Zéro Cool. T'es à l'antenne, c'est bon. Qui c'est qui est à l'antenne? Les auditeurs. Alors donc, il nous reste Maxime. Ouais, c'est moi. Rebonsoir. Magali Alain. Salut. Et Michel Mathieu. Oui, je suis toujours là, oui. Alors, donc, moi, je vais répondre. Les animateurs radio, télé ou autres ont-ils un sosie? Bon, je pense que y en a beaucoup qui font allusion à pas mal de personnes de la radio, c'est-à-dire comme Max, qui se font passer souvent dans des soirées et qui sont passés pour Max de Fun Radio dans certaines soirées, alors que c'est faux. Comme moi, c'est pareil. Y en a qui m'ont dit qu'on m'a vu dans différentes soirées ou qu'on m'entende sur des radios. Donc ça, c'est strictement faux. Merci, Pildar, pour l'arsen. Donc, là-dessus, je peux vous dire que... Pildar, c'est pas moi. Pildar, tu arrêtes parce que ça commence à m'énerver. Regarde-le, le moustache, là. Non, non, mais c'est pas lui. Et celui qui siffle, il arrête parce que ça commence à me gonfler. Merci. Donc, alors, tous les gens qui s'amusent à se faire passer, soit pour moi ou pour Max, ou même pour les gens de la Dream Tease, qu'ils arrêtent parce que ça commence à nous casser les couilles. Ouais, sérieusement. Alors, moi, je vous préviens, arrêtez tout de suite vos conneries. Alors, dans ce cas-là, vous prenez le sosie de Jean-Pierre et vous allez chanter dans des soirées si vous voulez. Mais laissez les gens de Fun Radio, ceux qui ont l'habitude de vous écouter tous les soirs et que vous nous écoutiez. Donc, laissez-nous faire notre boulot tranquille. Ne prenez pas notre sosie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. À ce propos, Gérard, sur IRC, il y a Golgot94 qui te demande si t'es le sosie de Gérard. Je m'appelle Gérard et c'est tout. Il n'y a pas de sosie. T'es vrai? Attends, tu peux pas le... Non, c'est ce qu'il demande sur Minitel, si t'es Gérard ou le sosie. Non, parce que celui qui s'est amusé à appeler dans le bureau tout à l'heure parce que j'y étais, donc il veut participer au débat, le dénommé Axel, donc c'est celui qui se fait passer pour moi, donc lui il participera pas dans les débats, c'est pas la peine qu'il insiste. Et lui, c'est ton sosie ou pas? Non, mais c'est celui qui s'amuse à imiter ma voix. Rigaud. Et sinon sur IRC, je sais plus qui c'est Roadrunner qui demande si on peut être le sosie de plusieurs personnes en même temps. Oh, il fait quelque chose à son cul. On croit pas qu'ils soient en train de lui botter le cul. Bon, attends, celui qui s'amuse à dire ça et qui arrête parce que ça commence à me gonfler. Rigaud, j'ai pas trop entendu la question parce que je demandais quelque chose à Fildar. Merci Fildar. j'ai plus la question, merci Fildar. Ben, celui qui a posé la question sur l'IRC me le redit. Et on est combien là maintenant à 1h02 du matin? On est 6922, ce qui est énorme, on applaudit. Ouais, c'est bravo. 6922, c'est ouais, bien. Tu peux applaudir, tu peux abrutir au standard. Bon. Et en fait, il te demandait, c'était Golgot94, il te demandait si on peut être le sosie de plusieurs personnes. Non, je pense pas. Faut aller dans ces... Oh, mais ça y est, Jean-Pierre, tu as terre, je viens de te dire. Oh là là, Jean-Pierre. Hé, Jean-Pierre, tu raccroches ton combiné, s'il te plaît. Je t'écoute, évidemment, ou pas. Tu raccroches ton combiné, je ne veux plus t'entendre. Bon, Gérard. Excusez-moi, à la place de Rap Voisine, on accueille Yves Bouteille. Putain, mais mon micro! Oh là, laisse-le parler au moins. Il me sécasse. Oh là là. Yves Bouteille, bonsoir. Yves Bouteille, bonsoir. Oui, bonsoir, Gérard, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Salut, Gégé. Salut. Salut, Yves. Bon, donc, pour toi, la question, c'est les animateurs radio-télé ou autres ont-ils un sosie? Donc, si tu veux répondre. Ouais, non, je pense pas qu'ils ont le sosie, ces gars-là, c'est impossible. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Je pense pas, parce que chacun de nous est unique. Voilà. Le petit pont de bois. Oh, Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu te crades. Je fais de la musique. Oh là là là. Ben putain, mais il est complètement taré celui-là ou quoi là, ce soir? Jean-Pierre? Ouais. Jean-Pierre, tu t'écrases. C'est pas moi qui chante derrière. Tu t'écrases. C'est mes fans. Ouais, bah tu raccroches ton combiné. Alors, mais c'est pas une Michette. Oh là là là là là là là là. Faire un débat comme ça avec lui, c'est pas possible. C'est impossible, hein. Alors, la sixième question. Erreur de bourration, c'est la fête de la musique. Vas-y, j'ai... Oh là, j'ai demandé à Max qui vient de lui dire de raccrocher parce que ça commence à m'énerver. Non mais ça va, Jean-Pierre, tu raccroches ton combiné pour la septième fois. Gérard, la question, s'il te plaît. Alors, la sixième... Accouche. Ouais, tu me les mets tous en air là parce que. Bon, on est en air. C'est bon, on est en air. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. C'est pour péter, c'est la fin de la vie. T'as mis un truc dans ton cul. Bon, alors, sixième question. Merci Manu. Comment est constitué un sosie, bois à fer, porcelaine ou autre? Et on va s'écouter Tony Rock avec des Santiago qui puent du bout. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats au 0803-08-5000. Et toujours. Et voilà, donc vous êtes toujours sur Fun Radio, il est 1h10 du matin, donc vous avez Manu qui est au pile au standard, donc au 0803-08-5000. Pildar qui a récupéré la RIA. Ça va mon pote? Donc, et puis Rigo qui est toujours sur l'IRC, www.fanradio. Oui, tout à fait. Ah, tu satures. Ah, excuse-moi. Tout à fait, Donc, on n'est toujours pas 7000, mais on est quand même 6982, moins 4. Ouais, c'est ça, moins 4. Et donc, Rigo qui vous attend pour dialoguer avec vous et pour poser les questions que vous avez envie de me poser sur les sosies. C'est toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. Ouais, et je voulais dire qu'il y a aussi un jeu, un Scrabble sur Internet. Donc, si vous en avez marre, vous pouvez toujours aller jouer au Scrabble. Non, mais ça, on n'en a rien à foutre. Et donc, on venait de s'écouter... Vous organisez un cache-cache au standard aussi. On venait de s'écouter Tony Rock avec des Santiago qui puent du bout. Donc, voilà. Et on récupère les auditeurs, c'est-à-dire Maxime. Attends, excuse-moi, t'as perdu, Gérard. Filbert, c'est quoi l'adresse pour Scrabble? C'est http.scrabble.fr. Ouais, et pour faire un morpion avec Gérard, c'est quoi? C'est pareil. C'est dans son ben. http://petitkiff.fr. Bon, celui qui s'amuse à dire des conneries comme ça va se calmer, parce que sinon, maintenant, ça va gerber sec, ok? Gérard, avant de commencer le débat, quand même, il y a une bonne question de Roadrunner sur l'IRC. Il te demande si un sosie peut en cacher un autre. Je pense, ouais. C'est comme un train peut en cacher un autre. Voilà. Donc, on récupère Maxime. Maxime Le Charpentier, s'il te plaît. Ouais, ben, je dirais Maxime, d'accord. Attends, je t'appelle Pogé, moi. Je fais comme un joueur, d'accord. Attends, c'est son nom, c'est Maxime Le Charpentier. Magali Alain. Magali. Non, Magali Alain, elle s'appelle. Magali Alain, salut. Rebonsoir. Yves Bouteille. Oui, bonsoir, Gégé, c'est moi, je suis de retour. Et Michel Mathieu. Ouais, toujours fidèle, ouais. Et Jean-Pierre, j'espère qu'il est plus là. Non, non, ça y est, j'ai dégagé. Ça y est, il est parti. Enfin, bah dis donc, on va quand même pouvoir continuer le débat. Alors, donc, la question qui était juste avant le disque, c'était d'après vous... c'est pas d'après vous, c'est comment est constitué un sosie en bois, fer, porcelaine ou autre. On va demander ça à Maxime. Maxime, s'il te plaît. Salut. Maxime. Oui, pardon. C'est moi. Mais ça, toi, hein. Allô. Oui. Bon, parce que je suis en tête aussi. Bon, il parle le tétard ou pas, hein? Allô. Bon, Maxime, tu réponds, s'il te plaît. Tu m'entends, Gégé? Ben, tu réponds. Eh, hey, oh. C'est quoi? Je regarde la prog. Mais bien sûr, Hugo, je suis en tête, tu crois quoi? Excuse-moi. Ah, et ton Cuba, il marche? Bien sûr qu'il marche. Enfoiré. Eh ouais, blaireau. Bon, le débat, là, Gérard. Tu t'es rasé, Hugo? Non, toujours pas. Oh là là. Maxime, tu réponds à la question? Ouais, ben, oui. Et Maxime, bah... tu t'es tourné? Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Gérard? Bon. T'as rien compris, t'avais qu'à te déboucher les oreilles. Bon Gérard. Bah attends, Bon, il y a une question. Ouais, parce que, enfin, il y en a plein, quoi, mais entre autres, il y a Turpentine qui te demande si t'es le sosie de Cartman parce qu'elle est sûre que t'as une sonde dans le cul. N'importe quoi, elle. Donc, alors, la question, c'est comment est constitué un sosie bois, fer, porcelaine ou autre, et qui c'est qu'on récupère? Salut. Quoi, qui c'est qu'on récupère? Il y a Maxime Le Charpentier, Magali Alain, Yves Bouteille, Michel Mathieu, et on accueille. Attends, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Et on accueille tout de suite Enrico Gracias. Oh, il est grilleux. Alors, Enrico. Enrico, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Salut. Donc, moi, je peux parler? Non, mais pour l'instant, c'est à Maxime de répondre. Ah. Donc, je répète la question pour lui. Donc, parce que. Bah, non, mais j'ai même pas besoin. C'est bon, t'as répété. Bon, alors, vas-y. Bah, répète un coup. Les sosies, je dirais, ils sont en bois. Surtout le sosie de Pinocchio. Ouais. Autrement, je vois pas trop en fait. Tu vois pas trop la question. Apparemment, t'as même pas essayé de chercher pendant. Il faut recruter des auditeurs. J'ai comme dans le Big Deal, j'ai cherché dans le dictionnaire, mais j'ai pas. T'as cherché mon cul, oui. Magali Alain. Ouais. C'est une sonde anale dans le cul. Ouais, c'est vrai en plus. Ils sont chers en os, hein. Ouais, mais comment est constitué un sosie? Donc, bois, fer, porcelaine ou autre? Compliqué, hein. Vous répondez aux questions correctement ou quoi, la merde? C'est naze. Case autre. Putain, les nazes. Ouais. Bon, allez, hop, au revoir. Enrico, est-ce que je peux répondre? Une bouteille. Ok, moi je pense que si Sandy a un sosie, ce sera en pot de ma casque. Alors, toi aussi, dégage aussi, au revoir, hop, comme ça, Sandy, elle t'emmerde. Allez, hop, terminé pour toi aussi. Okay, ça s'en fait déjà de au revoir. Enrico. Ouais, c'est un peu abusé, là. Alors, moi, je suis un petit peu ton sosie. Ça, je tiens à le dire, sans complexe, sans rien du tout. Est-ce que tu as vu le reportage sur Ken et Barbie? Non. Qui voulait ressembler à Ken et Barbie? Non. Ben en fait moi c'est pareil, j'ai une copine et on veut ressembler à Gégé et à Sandy. Ben ça alors. Vous laissez Sandy tranquille parce que sinon tu vas dégager, ça va faire le troisième qui dégage dans 5 minutes. Non, je veux seulement ressembler à Gégé alors. Non plus. Alors d'accord, tu me fous la paix. Non mais sinon tu vas dégager. Non mais je te dis non. Sinon, si tu continues, tu dégages aussi, toi. Ok. Tu vas faire Magali. Je m'incline, alors, je m'incline. Ouais, t'as intérêt. Okay. Alors, Michel, Mathieu. Oui, je suis là, j'ai essayé. Bon, alors, tu réponds. Ah, bah attends, faut que je le temps grandir avec la technique, là. Bah écoute, je veux dire que je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout gentil de dire que Sandy, elle serait faite en peau de macaque parce que ça serait de la peau de baleine. D'accord, alors toi, fais gaffe, tu leur dis encore une connerie comme ça, tu vas faire comme les deux autres. Attends, je la défends, Gégé. Ouais, mais c'est pas la peine de dire une peau de macaque, d'accord? Mais non, justement, je dis c'est pas de la peau de macaque, c'est de la baleine ou du cachalot, c'est pas ouais, bah, tu la laisses tranquille, d'accord? Faut pas se tromper, toi, t'arrêtes de dire tes conneries, d'accord? Est-ce que c'est vrai que tu couches avec le sosie d'un boudin? Ouais, bah, moi, je t'emmerde derrière, d'accord? Allez, Gérard, à toi. C'est pas gentil. Allez, on y va. Alors, donc, septième. Alors, d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Tiens, mais attends, et toi, tu penses quoi? Les sosies, c'est fait en quoi? En porcelaine, en bois, en quoi? Personnellement, je penserais plus en bois, parce qu'en fer, ça m'étonnerait, puis en porcelaine, ça m'étonnerait. Et comment ils font alors les sosies pour parler s'ils sont en bois? T'as des gens qui sont derrière et qui parlent à leur place. Voilà. J'ai sur Minitel Chorizo, 19 ans, du 93-93, qui te demande si des sosies sont faits avec l'odeur des aisselles de Gégé. Alors, toi, tes questions comme ça, tu te les carres au cul. Et on peut l'appeler en plus. Ouais, on s'amusera pas à l'appeler. Allez. Non, on va pas s'amuser à appeler des gens comme ça. Qui c'est qu'on a, là, Manu, maintenant? Ouais, on a toujours Maxime Le Charpentier, Magali Alain. Non, je te dis de virer les bouteilles. Enrico, je voudrais répondre. Bouteille, il est parti, et il y a Michel Mathieu et Enrico. Enrico, gracias. Mais tu peux pas reprendre quelqu'un d'autre à la place de lui, là. Mais je vais. C'est trop compliqué pour toi, ça. Hein. Ça te passe au-dessus de la tête, ça, hein. Feignasse. Est-ce que je peux répondre à la question? Qui? Sur les Enrico, gracias. Ouais, vas-y. Sur les interventions chirurgicales. Bah, vas-y. Donc, en fait, moi, j'ai voulu me faire greffer un kyste dans le cou. Mais bon, ils n'avaient pas trop de matière, donc ils m'ont greffé une merde de chien séché, en fait. Et c'est très douloureux parce que j'ai fait un rejet. Ça me rappelle quelque chose. Ça. Ouais. Voilà. Et tu peux préciser ta pensée? Tout à fait, oui. Ils m'ont fait une greffe, parce que tu parles des interventions chirurgicales, donc c'est en plein dedans. Et comme ils avaient rien sous la main, quoi, il fallait un cadavre ou des choses comme ça, ils m'ont greffé une merde de chien séché pour faire un kyste dans le cou, pour ressembler à mon idole. Et cette manière, la question, c'est pas des greffes chirurgicales que je parlais. C'est d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? C'est pas du tout la question sur la médecine. Je me suis fait refaire le visage aussi, hein. Ah ouais, non, mais je te parle après un accident, d'accord? Ah, Didi, Gérard. Ah oui, mais j'ai eu un accident en 93, ça aussi, hein. Ouais, bah alors toi, tu dégages, au revoir. Oh, voilà. Bonne nuit. Tout le monde Gérard. Oh non. Oh là là. Non, mais ça va aller vite, là, je crois, ce soir, hein. Tu veux te casser, on s'en fout, un gros porc. Gérard, je voudrais te demander, est-ce que certaines personnes qui veulent ressembler à des gens connus peuvent se faire déjà opérer, même sans avoir un accident, tu vois? Faire de la chirurgie esthétique pour ressembler, par exemple, à Johnny Hallyday ou... Disons, le reportage que j'ai vu, là, ça a été quand? Ça a été dimanche. Dimanche, ouais. Donc, je pense que ça a été bien fait, parce que faut voir, le mec, il a été opéré? On ne sait pas parce qu'on n'a pas pu en savoir beaucoup de ce qu'il disait parce qu'il n'a pas voulu trop dévoiler. Je crois que c'était une femme avant. Non, mais je pense pas parce que là, il faudrait que je relise le reportage et puis je pourrais porter plus de renseignements la semaine prochaine. Et il paraît que tu la connaissais. Non. Manu, arrête de dire des conneries parce que ça m'intéresse pas du tout, parce que ça me fait pas rire du tout. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc, je vais essayer d'en savoir plus sur ce reportage-là en lisant l'article, et puis je te donnerai ta réponse dans le courant de la semaine. Mais tu penses pas qu'il se soit fait opérer? Disons, je pense pas. Se faire refaire le visage, disons, ça coûte quand même assez cher pour ressembler à un chanteur. Il y a des prêts, il y a des prêts sosies. Je pense que c'est pareil, ça coûte assez cher aussi là-dedans. Hein. Ouais. Il a eu l'appendicite, je crois, à 13 ans. Je sais pas exactement. Il n'a pas trop dévoilé son identité. Il a plus essayé de faire comme Johnny Hallyday faisait exactement. Hein. Il arrive en hélico dans le reportage? Ça, je peux pas te dire. Parce que non, mais il n'a pas vu le début. J'ai pas vu le début parce que j'étais en train de regarder un film sur le la. Cul. Non, j'étais en train de regarder un film sur la première et puis Max il m'appelait à ce moment-là. Ah ouais, bah ouais, bah alors là on peut rien faire. Ouais. Hein. Donc je confirmerai plus là-dessus. Donc excuse-moi, Gérard. Oui. Juste avant, on accueille Michel Labergère quand même. Non, non, mais attends, j'espère que tu t'amuses pas à me changer les noms. Merde. Bah non, c'est d'autres. Ouais, ouais, non, mais on va voir. Bah, tu vas voir. Alors, Michel. Ouais, bonsoir. Ça va, Gérard? Putain. Salut, Michel. Salut, Michel. Salut, Michel. Bon, ça y est, ça y est. Mais à la place du bouteille, on a qui? Personne. Ah si, c'est ça, à la place du bouteille. Non, mais... Non, mais Enrico, il est parti, lui. Oui, hein. Bah oui, je sais. Donc, j'ai trouvé quelqu'un. Alors, Maxime, pour toi. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ça commence à être relou, hein. C'est sur la chirurgie esthétique, c'est ça? Bah, ouais. ça fait trois questions. Tu me demandes de répéter à chaque fois la question. Hein. Ça commence à être relou, là, tes conneries. Gérard. Ouais, Rigaud. J'ai une question sur l'IRC de Arnett. Il te demande si tu as la même odeur que ton sosie, la bouse de vache. Ben Arnett, tu vois, je réponds même pas à ta question, ça ira plus vite. Ouais. On est combien là avant que Maxime, je lui répète la question pour la troisième fois. On dépasse pas encore les 7000, on est 6992 toujours. Ah ben, il en manque 8, hein. Ah putain, les 8 qui restent, venez. Allez-y là, sur l'IRC, là, avant 1h30, je veux qu'on soit 7000. Allez. Alors Maxime, c'est la dernière fois que je te répète les questions, t'écoutes bien parce que sinon... Tu vas virer sec, d'accord? Ok. Alors d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? À mon avis, oui. Alors parce précise. Le nez surtout, le nez, les oreilles. Mais non, mais précise. Bah oui, le nez, les oreilles, les narines alors. Bon, ouais, mais attends, parce que c'est vague là ce que tu dis. Hein. La pruche, là. Bah ouais, ils se font refaire pour ressembler à leurs fans, à leur idole, pardon. Ouais, d'accord. Donc pour toi, ils se refont faire uniquement... Oh, Gérard, c'est Jean-Pierre, j'ai réussi à rappeler. C'est la victoire de la musique. Jean-Pierre, Nico Laflot. C'est la victoire de la musique. Bravo. Je sais pas où il est passé. Avec une grande cocotte. Ministère de l'agriculture. Il m'a dit, c'est mon champagne Nicolas Flo. De la musique. Je vais le trouver, mais ça va prendre... Non, mais c'est bien, parce que pendant ce temps-là, le débat n'avance pas. C'est peut-être pas Jean-Pierre, c'est peut-être son sosie. Ouais, non, mais il commence à me casser les pieds, celui-là. Hein. Bon, Manu, tu gères. Donc, Maxime. Magali Alain, je veux dire. Ouais. Donc pour toi? Moi j'ai vu dans Voilà que le sosie de Lady Di s'était pris aussi un truc pour ressembler à sa fan, son idole après sa mort, donc je sais pas trop ce que t'en penses. Allez hop, une canette de bière, dehors. Manu s'il te plaît. Oui pardon. Elle chante la petite musique derrière. C'est qui? Allez, Magali est terminée pour elle. T'as même envie de chanter là. Il n'y a pas de Magali. Si. On a Magali Alain dehors. Ouais, mais Magali Alain, c'est pas Magali. Magali Alain dehors, bonne nuit. Allez. Michel Labergère. Oui, c'est moi. Michel. J'étais au standard, j'ai eu un problème avec Manu. Non, je te répète pas la question. Alors là, me casse pas les pieds là-dessus, c'est tout de suite non. Je te répète pas. Et qui c'est qui a de la musique derrière? Ah, ça c'est pas bien ça. Ouais. Qui a ta musique derrière? Mon pote, tu vas me filer la question. C'est pas moi, c'est Norfi. Eh oh, tu fous de ma gueule là-bas, toi. Mais non, c'est pas moi. Ah, j'ai pas mis dans... Bon, c'est Michel. C'est quoi la question? Hey, tu mets un ça là-bas. Ça avance pas. Mais c'est pas ça. C'est alors Michel Labergère, au lieu de te foutre de ma gueule. Je me suis pas foutu de ta gueule. Alors tu réponds à la question. Ouais, alors faire de la chirurgie pour ressembler à son sosie, c'est ça ta question, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est nécessaire, mais si tu veux ressembler à des personnes, c'est style demi-mort, tout ça. Mais si on veut te ressembler, c'est... Tu n'es qu'un ça. Ok, ben je passe et je réponds. Putain, t'es vraiment un con. Un con raté, toi. Je suis pas content. Moi, non, on aurait dû mieux te déguiser en tremblant, ça aurait été mieux, hein. Pauvre con. Alors, Michel Labergère, parce qu'en fin de compte, on a trouvé que c'était Pildar qui s'est mis à la tête. Mais non, c'est faux. Rigo. Non, Manu. Moi c'est Manu, enchanté. Manu. À la place de Enrico Gracias, on accueille Pascal Presley. Ouais, ben, un peu moins notre fiche, parce que là... c'est le bordel. Aiden. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Pascal. Non, et alors pour toi? C'est au standard, et puis il y a eu un peu comme un flash. One for the show, two for the money. Non, non, vous fermez vos gueules. Ouais, calmez-vous. Calmez-vous. tu me les calmes, Manu, tout de suite maintenant, parce que là, ça commence à bien faire. Hein. Je vais refaire ta fiche et les calmer juste. Ouais, non, mais vite fait, bien fait. Pascal Presley, ouais. Alors, d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Il y a moyen de se les presser. Des questions, Gérard. Oh là là. Répondez sérieusement aux questions, là, c'est quoi ça? Ouais, bordel. Ah, bah, pour l'instant, vous commencez à me les gonfler. Ouais, non, hein. Mais ça veut dire quoi ça? On essaie de faire un débat potable? Ouais, bah, toi, tu prends mieux de te taire. Ouais, Pascal. Si, Pascal. Mais c'est bizarre! Hein? Je vais t'éclater, toi, hein. C'est pas moi! Non, c'est pas toi, c'est qui? Mais c'est toi qui gère ton micro, hein. Ouais, pour l'instant, c'est pas moi qui s'amuse avec le son, d'accord? Bah non, c'est pas moi. Alors pour toi? Ouais, sur les interventions chirurgicales. D'après vous, les sosies se font-ils refaire un... Gérard, rigole pas. Hein, le visage après un accident, c'est pas des interventions chirurgicales. Ouais, en fait, ça dépend de quelle star il s'agit, parce qu'il y a des stars qui ont déjà des sales gueules, donc en fait, ça peut que les arranger. Ouais. Mais il y a des stars qui ont des belles gueules, comme Leonardo DiCaprio ou Tony Tsen. Oh là là. Mais ces gars-là, s'ils ont un accident, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas gérable. En plus, ils ont des vieilles dents pourries, ces mecs-là. Merci. Voilà, putain. Oh là là. Non, Gérard, arrête. Il a quitté sa pompe. Il a quitté sa pompe. Oh, je me sens pas bien. Il a enlevé sa pompe. Je me sens pas bien. Arrête, Gérard. Ça va pas. Arrête, Gérard. Ça, je te jure, je... Ça pue, il y a des verres. Ça, je te jure que tu as morflé avant la fin de la soirée. Continue. Attends. Bon, allez, hop, moi, je quitte. Oh, on met un petit disque. Ouais, ben, vas-y, balance le disque, tu as dégagé des studios. Oh non, Gérard. Non, tu dégages, je vois plus de toi ici. Pas. Allez, hop. Bah, pose la question. Allez, non, mais la question, c'est toujours la même, tant que les auditeurs répondront mal. Max. Max. Tu me le dis. Je comprends pas, il y a eu un problème de son dans Alors, le problème, c'est que si on le vire ce soir, vu qu'il faut qu'il rentre à Neuilly, il est RTL, tu sais qu'on a un Bayard. Non, mais là, il arrête pas de s'amuser à couper le son, il me fout des conneries. Alors donc, la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, par contre, j'ai jamais vu autant de gens sur Minitel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais péter l'audience ou quoi? J'en sais rien, En plus, on a dépassé les 7000, on est 7043. Ouais, ah bah voilà. Et on est 47 sur le Minitel. 47 sur Minitel. Ouais, ah bah c'est bien. Il y a Chorizo, justement, du département 9-3, qui te demande si t'as encore des dents. Qu'est-ce que ça peut y foutre? Bah, ouais, ça n'a rien à voir avec le débat. Bon, excuse-moi. Alors donc, on a Maxime Le Charpentier, Michel Labergère, Michel Mathieu, Pascal Presley et Mandy. Donc la question, c'est toujours la même d'après vous. Les sosies se font-ils refaire le visage? Et on se retrouve après... Attends. Ok. Un disque. Ouais, attends, le temps que je te marque le titre, quoi. Ouais, ben, pour l'instant... donc, non. Non, pour l'instant, si vous êtes encore à l'antenne, donc... Attends, c'est seulement pour faire un petit message à Max qui nous écoute. C'est pas possible de travailler dans ces conditions, on est toujours en antenne, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, Pascal Presley... Moi, je me plains pas, je vous kiffe tous, vous faites du bon boulot. Pascal Presley... Même si c'est Tennessee. Pascal Presley... Ouais, mais j'ai répondu à la question, hein. Ouais, mais tu feras passer pour Tony, d'accord? Non. Tu crois que je t'ai pas reconnu? Non, tu crois que je t'ai pas reconnu? Il appelle pas du 04, Tony. Tony Fun, il a une voix de canard. Ouais, direct. Hey, Mandy, là, qui est là. Tu vas te faire kicker, toi. Attention. Ah, direct. C'est quoi, Gérard? Il monte les boutons. Oh là là. Attention, je vais prendre le channel en takeover, ça va être vite fait. Regarde. Qui là, c'est la connerie? Ouais, non, mais t'arrêtes tes conneries parce que tu viens de descendre le bouton. Mais tout à l'heure, il s'amuse à le couper depuis tout à l'heure. Arrête tes conneries, d'accord? Tu arrêtes tes conneries, c'est tout. Ah là là, hein, tu me crois jamais. Hein. Ouais, mais moi je te dis, t'arrêtes tes conneries. Ouais, c'est chiant, si t'es pas content, tu te casses. Donc on s'écoute. Devant ton micro, au moins il pourra peut-être t'entendre. D'accord? Et on s'écoute les sosies. Merci de m'accouper encore! Mais non! Eh, mais pense, je vais te balle après, toi! Ça, je te balle après avant la fin de la soirée, hein! C'est la fête de la musique! Ouais, tu vas voir la fête de la musique, ma main dans ta figure! Donc, les sosies sentent de la bouche avec. Va te laver les dents au Karcher et on se retrouve tout de suite après! Rebonsoir, Michel Mathieu! Oui, salut, c'est Michel! Pascal. Pascal Presley. Attends, parce qu'il faut que je bidouille. Oh, bonsoir. Ça me prend du temps, les amis, pour les mettre à l'antenne. Alors, Pascal Presley. Oh, bonsoir. Ouais, bonsoir à toi. Et Mandy. Salut, Gérard. Salut à vous. Bonsoir. Sandy, tout ça. Ouais. Mandy, je viens de dire. Alors que vous allez foutre la paix à Sandy, je vous le préviens d'entrer maintenant. C'est moche, quoi. Parce que sinon, ça va virer. C'est pas bête. Manu, tu me gères celui qui s'amuse à dire ça, s'il te plaît. Pas de problème. On reprend dans le calme, là. Ouais. Alors, la question, bah, c'est toujours la même. Hein, alors, d'après vous, les sosies se font-ils refaire le visage après un accident? Donc, on va demander ça à Mandy. Gérard, je regarde le Minitel en même temps. Il y a Murphy 92-92 Big Up qui te demande c'est quoi le débat. Le débat, c'est les sosies. Ça fait payer double, alors. Alors, Mandy. Ouais. Donc pour toi, bah, ils font refaire la tronche s'ils veulent, hein, ça c'est leur problème. Ça va, Lucas? Hey, Pildar, s'il te plaît. Lucas. Mandy. Ouais. Moi je te dis, ils font refaire la tronche s'ils veulent, c'est leur problème. Mm-hmm. Ok. Donc tu peux pas préciser plus? Bah, ils font refaire la tronche s'ils veulent, hein, c'est leur problème. D'accord. Michel la bergère. Michel la bergère. Je la poufiasse. Bon, alors, Pascal Presley. Ok, ouais. Non, mais j'ai déjà répondu à la question. Non, non, t'as pas répondu. Arrêtez, mytho, ça fait une heure. Bon, je vais répondre. Allez, encore un coup. Il y a des gens qui sont des stars, qui ont un joli visage. Ouais. C'est pas la peine, s'ils en mais c'est pas ça la question. Ah, mais vous jamais derrière, là, ou quoi, là? Donc, il y a des stars qui ont un joli visage, ils ont un accident, ça les arrange pas. Il y a d'autres stars qui ont un sale visage, je sais pas, Jean-Pierre Bacry, des stars comme ça. Que quand ils ont un accident, c'est pas la peine. Herbert Léonard, il a eu un grave accident en 68. Non. Quelle est cette personne? Pildar, c'était son sosie. Ah ouais. Michel. Ouais, bah écoute, moi j'ai tout prévu. Alors donc, accident, c'est déjà prévu, j'ai déjà choisi mon pont et tout. Et la gueule que je vais me refaire, j'hésite entre Elephant Man, Quasimodo et toi normalement. Ouais, bah moi je suis pas ton amour et je t'emmerde. Voilà, comme ça t'es tranquille. Il y a une redite, Quasimodo. Michel Labergère. Ouais, c'est moi. Je pense que pour une star qui se fait faire le visage, il a dû y avoir pas mal d'accidents. Je te parle de se refaire le visage après un accident sur les sosies, pas sur moi. J'en ai rien à foutre. Bah, moi, je suis ton sosie, Lascar. Ouais, bah, moi, je t'en... Si t'es pas la fait la gueule pour te ressembler. Ouais, bah, alors, Michel Labergère, tu retournes au standard. C'est pas méchant, Gérard. Mais tu retournes au standard, c'est bon, tu retournes au standard. Hop, Gérard, terminé pour toi. Allez. Gérard, sur IRC, il y a Yankee, t'as reconnu, il a capté que c'était le sosie du bossu de Notre-Dame. Jean-Pierre. Allô, oui. C'est naze. Non mais, c'est mal rigolo. Ouais, non mais vous arrêtez un peu vos conneries parce que ça commence à bien faire là. Ouais. Vas-y, bouge tes bêtises. Alors Maxime, Jean-Pierre. Oui. Allez, sérieux. Non, Jean-Pierre, tu dégages. Oui. Jean-Pierre, tu dégages. Non, tu veux Jean-Pierre, tu dégages. Non. Jean-Pierre, sodomie et fit fucking, fais-moi une chanson. Je l'ai trouvé, Sodomie, fit fucking, fais-moi une chanson. Allez, on prend le débat là, GG, là. Oh, les auditeurs. Alors, celui qui redit Sandy, je vire tout le monde. Ouais. Comme ça, j'arrêterai plus tôt. Alors, Maxime le Charpentier. Ouais, le Charpentier. Le Kleps. Ah, Maxime. Oui, je suis là, Gérard. Donc, tu réponds à la question. Bah, moi, je voulais me refaire faire la tête de Sandy, mais ils n'avaient pas cette crête. Alors, toi, tu dégages. Hop, au revoir. Manu, tu me vires. Manu, gère un peu. C'est quoi, ça? Alors, t'en as deux à virer. Tu me retrouves deux personnes pour le dernier quart d'heure. Gérard, sur IRC, il y a quelqu'un qui me demande si. Si on appelle Sandy trois fois, est-ce qu'elle apparaît vu que c'est le sosie de Beetlejuice? Non, pas du tout. Donc, y a-t-il des sosies chez les animaux? Si oui, lesquels? On va demander à Michel Le Berger. Ah bah non, il est plus là, lui, je dirais. Alors, Michel Mathieu. Bah écoute, ouais, il y a les baleines, les cachalots. Mais lesquels? Ouais, mais c'est dur à répondre, ça. Bah lesquels chiens, t'as parlé? Attends, laisse la radio, là, tos. Oh, c'est celui qui a la radio derrière, vous l'éteignez complètement. Ouais, c'est pas malin, ça. Merci d'entrer. Bon, on parlait des chiens, alors. Ouais, il y a certains animaux qui se ressemblent, certains chiens. Ouais. Lesquels? Moi, il y a une voisine à côté de chez moi qui a un pitbull. Un bouboule? Un pitbull, ouais, qui s'appelle Henri. Ouais. Et puis j'ai un autre voisin qui a un pitbull aussi, qui s'appelle... je peux pas le dire. Et bah, il se ressemble. Il se ressemble? Ouais. Et est-ce qu'il s'assemble? on fait de la radio là. Vas-y, viens, on parle un peu entre nous là. C'est la fin. Non, non, non, non. On fait une maquette. Ok, copain. Tu me le calmes, le Pascal. Et Mandy, excuse-moi, et ouais. On accueille à la place de Michel Labergère, Frédéric Francis. Putain, il est où? Attends, on va attendre un peu, on sait jamais. Non, c'est bon, j'ai entendu. Tu me récupères quelqu'un à la place de Maxime Le Charpentier. Bah oui, bah attends. Et tu me calmes, Pascal. C'est quoi la musique? Attends, je sais pas. C'est quoi ça? C'est... Qui sait qu'il y a de la musique derrière? C'est France Télécom, ça. Ah, Manu, bah je sais pas, hein, c'est peut-être l'autre là, c'est la fête de la musique. Là. Non mais c'est bien de travailler dans des conditions comme ça. Hein. Merci. Alors, Manu. Merci Manu, hein. Bah, pour l'instant t'es zéro toi ce soir. Hein. Ouais. Toi plus tard tu peux parler, t'es zéro aussi. T'es zéro. Parce que pour l'instant c'est toi qui fais le con. Ah non. Non, à peine. Pour l'instant Allô. T'amuses pas, je vais au bout avec les boutons toi. Pour l'instant, il y en a qu'un qui dit rien, c'est rigolo pour une. Il n'y a pas de micro. Bon, ouais, Jean-Pierre, tu fermes ta gueule. Ça me prend les vacances. La fête verdique. Des verres de toi. Allez, non, mais. Allez, Rigo, il dit rien. Tu peux pas le virer. Attends, c'est lui qui envoie le. Non. Tu dis rien, non. Moi, non, mais attends, mais tu peux pas le virer, le Jean-Pierre, il est là depuis tout à l'heure. Il a pas raccroché, je ne peux pas. Eh ben, faut se démerder, moi, je veux pas l'entendre, lui. Et il arrête de. Bon, Jean-Pierre, tu raccroches ton téléphone parce que tu commences à me les gonfler. Mais que c'est la musique. Eh, sérieux, là. Ouais, allez, on avance. Salut, c'est moi. Alors, Mandy, pour répondre à la question. Tu peux m'accueillir, s'il te plaît, GG. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Francis. Ouais, ben. Sandy. Mandy, pardon. Ouais, Sandy, ouais, Mandy. S'il te plaît. Ouais. Moi, ma chatte, elle ressemble à la scie. Ouais. T'as quoi? Ma chatte. Ouais. Elle ressemble à la scie. Elle a un gros museau pointu. Bah ouais, tu veux parler de. Pablo. Oh! Mais attendez, parce que là. T'as fait que de la merde. Hey! La caca. Ah, on t'entend, Mandy. Ouais, toi, t'arrêtes, ok? Mais je l'ai coupé! Non, mais t'arrêtes, toi, t'arrêtes aussi maintenant! Vous arrêtez de parler entre vous deux, d'accord? Ah, pardon. Parce que sinon, ça va se terminer mal, hein! Ah, mais c'est bon, Gérard, pour revenir au débat sur IRC, il y a Yankee qui demande un sosie, ça fait combien en euros? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, Mandy, si tu pouvais répondre. Ouais, Rigo, il tue ça, les mecs sur internet pour passer des messages ou quoi? C'est pas le débat! Y'a que toi qui a essayé, papy! Okay, Mandy, papy. Gérard, moi je t'ai dit, ma chatte ressemble à la scie. Et t'as le cul tout frais. Ouais, ouais. D'accord. Frédéric. Quand j'ai la couche chaude, ça veut dire que je suis malade. Ouais, c'est bien. Frédéric. Excuse-moi, j'étais en antenne et. Mais ça y est, t'étais pas. Non, mais t'as dit, ouais, en plus on n'entend plus maintenant, donc je voudrais savoir. Alors, y a-t-il des sosies chez les animaux? Si oui, lesquels? Ah bah, toutes les espèces. C'est-à-dire? Bah, ils se ressemblent tous. Une vache ressemble à une autre vache. Ouais. Tu vas me dire que sur 1000 vaches, t'arrives à en distinguer une précisément? D'accord. Moi, voilà, ouais. Je t'ai calmé direct. Ouais, mais moi, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai jamais vu de choses, c'est les animaux. Hein. Moi, je voulais seulement dire que la musique de Jean-Pierre, c'était un sample de Dépêche Mode, on me l'a fait pas, moi. attends, Pascal, pour l'instant, tu te. C'est pas vrai, c'est la fête de la musique. Oh là là. Celui qui a dit Sandy va se calmer parce que sinon il va virer. Bah ouais, vite, ouais. Tout de suite. Hein, parce que ça commence à bien faire, vous allez lui foutre la paix. Manu, ça fait plus vite. Gros cul. Oh là là, arrêtez un peu là. Oh là, les trois mousquetaires là, on se calme. Je sens que ça va se terminer bien avant 2h le débat. Ouais, surtout qu'il est moins 2. Bon, tu te taises toi derrière, merci. Alors pour un sosie, y a-t-il une fiche de paye en euros? On va demander à Michel Mathieu. Michel Mathieu. Attends, il me faut le temps de revenir, là. Oh non, mais attends, tu vas me demander de répéter encore la question. Ah oui, c'est la question. Non, mais moi, je te la répète pas. Mais j'entends rien, Gérard. T'entends rien, t'as qu'à te déboucher les oreilles. Gérard, sur IRC, on me demande que tu répètes la question parce qu'ils l'ont pas entendu. Voilà. Pildar, tu arrêtes. Quoi? Bon, alors, Fildar, moi, j'arrête à mais quoi, mais quoi, mais quoi? Merci, mais moi, je fais rien. Merci, Fildar. Mais ouais. J'attends, moi. C'est fini. Max, il va finir la fin. Mais j'attends quoi? Mais j'attends tes réponses. Non. Mais quoi? Tu vas te faire mal, fais gaffe. Moi, je veux pas le savoir. Gérard, reviens. Gérard. Tu finis à la place de Fildar, je veux plus de lui, là. Il arrête pas depuis tout à l'heure. Donc, il dégage. C'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais il s'amuse encore. Mais j'ai rien fait, j'ai fait rien. Mais moi, je termine pas le débat comme ça, d'accord? Voilà, c'est bon. D'accord, je vois le truc. Un, plus d'art. J'ai capté. C'est pas lui, hein. Ouais, non, mais... Il s'amuse quand même à faire des conneries. Oh, tu satures, hein. Ouais, ouais, bah, je sature, t'as qu'à faire ton boulot correctement aussi. D'accord? Ouais. Alors, Gérard, il y a Bénichou sur l'IRC, il dit que si t'en as marre de Fildar, tu peux le remplacer par son sosie. Non, non, mais de manière, ça sera même plus lui la semaine prochaine, parce que je le vois pour, alors... Ça va être clair. Oui, Manu. Oui, je voulais juste prévenir et te dire qu'à la place de Maxime machin là, on accueille Florent Panier. Ouais, d'accord. Ok, Florent, bonsoir. Salut. Salut Gérard. Salut Florent. Salut. Où, vous n'avez pas deviné, je suis un sosie de Pascal Obispo. Ouais, c'est ça. On le voit bien. Ouais, c'était Red. C'est pour ça qu'il fait ce pseudo, quoi. Alors, donc la question pour... Pour un sosie, j'ai une fiche de paye en euros, on va demander à Michel Mathieu. Ouais, bah écoute, je crois que maintenant on est dans le cadre de l'Europe, donc je pense que tu peux être... De l'euro. De quoi? De l'euro. Oui, bah dans l'Europe, donc, je pense que tu peux être du Turkménistan et avoir un sosie en Ouzbékistan, donc évidemment que ta fiche de paye, elle est en euros, quoi. Bah, de toute manière, je te parle pas de l'Europe, parce que vu que l'Europe, c'est déjà les pays européens, on parle de l'euro, d'accord? Ok, bon, bah alors t'es aux États-Unis, t'es dans le Kentucky, et t'as un sosie au Texas, et bah direct, ta fiche de paye, elle est en euros. C'est pareil pour tout le monde. Bah oui, bah, de toute manière, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va se produire d'ici l'an 2002. Ah, hein, mais ça, on l'a cherché, hein, fallait pas voter, c'est tout. Hein. Non, mais ça, c'est... On a eu ce qu'on mérite. Non, hein. Non, mais maintenant, ça y est, moi, on a fait le point là-dessus, j'ai fait un débat sur l'euro. Ouais, et t'as bien fait, d'ailleurs. Donc, là-dessus, les questions ont été posées, ça s'est terminé... au vinaigre. Comme tous les débats en merde, et donc, comme ce soir, celui-là, c'est pareil, les sosies, ça se termine... Il reste encore à peine 10 minutes de débat, que c'est déjà foiré grâce à Fildar. Et tout ça à cause de l'euro. Et tout ça à cause de l'euro. Alors, donc, Pascal Presley. One for the money, two for the show. One thing for the gold. Allô, ouais, j'étais en antenne. Allô. Ouais. T'as l'antenne, là? Ouais. Ouais, t'as l'antenne. On t'écoute. C'est n'importe quoi. L'euro, enfin comme disait l'auditeur précédent, les stars sont payés à l'euro. Parce que c'est sosies. Les sosies sont payés à l'euro parce que c'est la nouvelle monnaie, c'est sûr. Mmh. Mmh. Ouais, c'est normal. Hein. Mmh. D'accord, Mandy. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Portos et Aramis. Hein. Voilà. On est payé en euros. Et pour vous, là, un sosie est-il payé avec une fiche de paye? Ouais, il n'est pas payé en euros, je te demande s'il a une fiche de paye. Ouais, il a une fiche de paye et en euros. Enfin. Cocotte boy. Parce que Mathieu, tu ressemblerais beaucoup à Gugu. Qui dit ça? Petit oiseau bubblegum. Ouais. Bon, celui qui vient de dire ça, c'est qui? Gugu, petit oiseau bubblegum. Ça, c'est Michel. Bon, GG, passons. Frédéric. Oui, je pense que maintenant qu'on vient de passer dans le premier millénaire, il est clair qu'on va payer, avoir des fiches de paye en euros, surtout les sosies. Donc, j'en suis un, oui. Je suis payé en euros. D'accord. Et Florent? Putain, mais merde, il va répondre ou quoi, lui, là? C'est la manip au standard, Gérard. Ah, mais il met hors antenne, là, Gérard. Je peux pas en mettre plus de 4 à l'antenne. Alors, pour toi, Florent? Bah, c'est clair que l'euro, c'est à la mode maintenant et tout le monde veut être payé en euros, quoi. Non, mais est-ce que les sosies... est-ce que pour un sosie, a-t-il une fiche de paye en euros? C'est ça la question, c'est tout? Ah, oh, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est pas autre chose. Bah si son idole est payé en euros, il fera pareil, à mon avis. Mmh. D'accord. Eh ben, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai pas vu encore des fiches de paye en euros, ça ne serait tardé bientôt, mais... Et tu penses qu'un sosie a une fiche de paye? Ben, justement, je sais pas encore si vraiment les sosies auront une fiche de paye mais en euros. Ils sont payés déjà en francs, déjà, les sosies, ils ont une fiche de paye en francs ou pas? Ben oui, hein, pour l'instant, oui. Par jour? Ben, normalement, comme tout le monde, hein. Comme tous les salariés. D'accord. Donc, Ça fait combien un sosie par mois, à ton avis? Je sais pas. Voilà, je peux pas te dire exactement combien qui se fait. Hein. Ah bon? Donc, peut-il y avoir sur les marchés des déguisements de sosie? On va demander, à Florent pour commencer. Si quelqu'un sait combien se fait un sosie hein, par mois sur Internet ou sur Minitel, vous pouvez nous aider. Hein, au standard aussi. Ouais. Ouais, c'est à base de 300 euros par mois, je crois. Non, mais moi je pose la question, peut-il y avoir sur le marché des déguisements de sosie? C'est pas la question de savoir combien est payé un sosie en euros. On en a rien à foutre de cette question-là. Gérard? Oui, Aurélien. Sur IRC, il y a RIP parce qu'il fait des recherches depuis tout à l'heure. Il voudrait savoir comment on écrit sosie. Alors, S-O-S-I-E-S. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs des sosies. Donc c'est avec un S à la fin. Ouais, mais si tu dis un sosie. Eh ben, c'est S-O-S-I-E. Simplement. Tout simplement. Voilà. Et moi, sur Internet, Gérard, j'ai mis Steve. Ah oui, sur Internet, alors que... Excuse-moi, sur l'Internet des années 70. Ouais, sur le Minitel. J'ai Mystique, qui a 20 ans, qui te demande ce que tu faisais avant de faire de la radio. Non, mais ça, je lui réponds pas, parce que c'est pas du tout le thème des débats. Donc, Florent, pour toi. Non, non, non, mais c'est bon. Ouais. Je suis à l'antenne, là. Oui. Tu es à l'antenne. Oui. Ouais, Attends. Celui qui s'amuse avec son téléphone, arrête. Mais c'est pour voir si on est à l'antenne. Ouais, non, non, mais pour l'instant, vous vous calmez. Parce que sinon, moi, je vais vous calmer, j'arrête à la 10e question, comme ça, ça ira plus vite. On est à la combien-tième? 5e? Non, on est à la 10e, alors Florent, pour toi. Ouais, bah, moi, l'autre jour, je suis allé au marché, j'ai acheté un déguisement de Sandy, et c'est pratique parce que... Alors, Florent, tu dégages. Attends. Non, tu dégages. C'est bien lourd. Tu dégages. Ouais, Frédéric. Plein cul. Il faut recruter, là. Frédéric. Chibi, le standard. Frédéric. Ouais. On m'a repris au standard. Oh non. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est pas possible de travailler comme ça, ce soir. Vous foutez de la merde, Manu Pildard. Il y en a ras-le-bol. C'est le nouveau standard, c'est à cause du nouveau standard. Il faut qu'il t'explique, parce que c'est la galère. Non, mais c'est la galère, mais pour l'instant, ils sont en train de te faire que des conneries depuis tout à l'heure. C'est le matos. Alors, Frédéric. C'est le matos. C'est ce que je te dis, Gérard, j'ai pas entendu la question. Alors, peut-il y avoir sur les marchés des déguisements de sosie? Tout à fait. Alors tu peux préciser? Un déguisement, on peut en acheter dans des magasins de déguisement, ou plus précisément des trucs farci, attrape, tout ça. Mais le problème, c'est que t'as pas la même gueule du mec. T'as son costume, mais t'as pas la même gueule que lui, donc c'est pas très utile en fait. Ça c'est sûr que... Si je veux ressembler à Thierry Ardisson, c'est pas avec un costume noir que je vais y arriver. Non mais c'est sûr que dans des trucs de farci, attrape, tout ça, comme tu dis, on peut trouver des déguisements de tout le monde, hein. Ouais. Des sosies de tout le monde. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a des déguisements de toi qui existent? Non. C'est trop facile, ça. Mandy. Ouais. Un petit peu plus recherché, quand même. Oh, parce que le préfet, tu t'écrases pour l'instant, je vais le gérer, hop là. Allez, tu bouges. Mandy. Ouais, moi j'ai acheté un déguisement de Sandy, mais il n'y a pas l'odeur, alors... Mandy, je te dis bonne nuit, tu feras pas la conclusion, c'est terminé pour toi. Au revoir. Je kiffe. Ouais, ben moi, je t'emmerde. Gérard, j'ai Nomade sur le Minitel qui demande si les sosies ont des portables. Je pense, oui. Pour faire quoi? Pour appeler. Donc Pascal... Merci. Donc, vas-y. Pascal Presley. C'est de la récréatique, mais c'est une demeure aussi. Hein. Pascal Presley. Oh là, ouais. Ça va être lapin. Pour répondre à la question, il y a certains magasins qui vendent des masques direct. J'ai coupé de Tony. Direct, privé, de vêtements. Bonjour. J'ai coupé, là? Oui. Non, il a aucun pouvoir. Putain. Il a aucun pouvoir, le pauvre. Et puis, voilà, quoi. D'accord. Michel Mathieu, pour terminer. Ouais, pour terminer, je pense que quand même la saison des déguisements, c'est Halloween. Donc, ce que je te propose, c'est que tu prends ton agenda et puis on refait un débat sur les déguisements au moment d'Halloween. Je pense que la question sera plus à propos. Je te signale que pour l'instant, Halloween, c'est terminé. Puis maintenant, c'est la saison des carnavals. Voilà, justement. D'accord. Les carnavals, il y a des déguisements. Carnavaux. Tout à fait. C'est pas facile, ça. Un carnaval des carnavaux. Bon, vas-y, pose ta question, espèce de blairal. Prends ta gueule, toi. Toi, tu dégages, alors. Merci, Tony. Elle, Claudal. Allez hop, terminé pour Pascal Presset, c'était Tony, je l'avais reconnu depuis tout à l'heure. Hop. Alors, conclusion, donc Michel Mathieu, pour toi, le débat, tu me diras, c'était la merde. C'était la merde. Cause toujours, grosse conne. Voilà. Ah, il parle de Sandy, là. Ouais. Vas-y. Ah non, c'est Jean-Pierre. J'ai pas dit qu'on a Florent. Le ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Musique. C'est vraiment la fête de la musique. Avec des sosies. Bon, c'est pas gaffe, Florent. C'est la fête de la musique. Dans le débat, c'est des sosies. Faites de la musique. Oh, je te marre comme un connard, toi. Je cherche. Pauvre con, va. Je le cherche. Michel Mathieu, conclusion du débat. Tu m'entends là, Gégé? Ouais. Alors je pense que... Attendez. Je pense que les sosies, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et qu'il y a certains gens qui font des fixations. Par exemple, je voudrais savoir pourquoi certains gens s'obsèdent sur les animaux de la banquise et pourquoi Sandy voudrait être le sosie de Bibi Fock ou de Moby Dick. C'est ça, Sandy, à t'emmerde, d'accord? T'es renseigné? Ta gueule, espèce de connard. Alors, Mandy. Gérard, ouais. Conclusion pour toi. Conclusion, on s'est bien marré. Ouais. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Comment? Peut-être toi, mais pas moi. Bah, moi, je te confirme. Hein, je me suis bien marrée. Et puis, bah, j'espère que tu ressembles à personne parce que je plains vraiment le pauvre mec. Hein. Non, bah, moi, j'espère que tu ressembles plutôt à un macaque. Bah, moi, je te kiffe. Ouais, ah, bah, pas moi, je t'emmerde. Non, et encore Jean-Pierre. Et le champagne, quand tu l'as collé à Florent. Ouais, bon, j'ai dit qu'on a fait de la musique. Le ministère de l'Agriculture. Il m'a dit que c'était la fête de la musique. Gérard, pour calmer le débat. Gérard. Hey Manu, je vais te prendre un casque dans ta gueule avant la fin. Oui, Gérard, s'il te plaît. Pour calmer le débat, donc sur IRC, on a quand même fini à 7324. Ouais. Donc c'est quand même excellent. Et je vais lire quelques conclusions. Donc conclusion de Yankee, encore un débat à chier. Bon bah ça, je m'en doutais. Bah ouais. Conclusion de... Alors attends, faut que je les retrouve parce qu'il y en a plein. Attends, je la dirai en dernier. D'accord. Parce que cette fois, elle est bien. Satanas qui dit conclusion, les sosies sont partout, même dans le miroir de la salle de bain. Ouais. Et pour finir, conclusion de Turpentine qui dit que ton débat il avait ni queue ni tête ni jambes comme toi. Ouais, bah ça m'aurait étonné que celui-là il s'amuse pas à me dire des conneries comme ça. Celle-là. Ouais, bah celle-là, pas mieux de se calmer toutes les semaines parce qu'il y en a un ras-le-bol. Conclusion du Minitel. Ouais, ils sont tous sympas. il est 2h, ils nous disent, ouais, c'est bientôt ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salut à tous, bisous GG. Au fil d'art tête de l'art. Non, bah ça c'est bien fait. Celui qui a dit ça, c'est un bien. Un sosie peut-il avoir quelqu'un qui lui ressemble? Bah, en principe, oui, hein. Si y a un sosie, c'est qu'il lui ressemble, hein. Il est l'heure de pisser. Ouais, bon, ça. C'est qui voté, hein. Ouais, ouais, bah, d'accord. Enfin, une super conclusion. D'accord. Donc, pour moi, le débat, on aurait pu aller plus loin si Manu et fil d'art avaient bien travaillé. Malheureusement, ils ont fait du travail de merde comme toutes les semaines. Ça changera pas. Tous les jeudis, vous foutez que de la merde. Pour l'instant, il y a Crigo qui travaille bien sur l'IRC. Il y a que lui qui fait du bon boulot parce que toi, Fildar, t'as foutu de la merde. Manu, ça a été pareil. Au lieu de calmer les gens, il se marre comme un perdu. C'est super, je suis d'accord avec toi. Hein, donc vous avez foutu de la merde toute la soirée. Donc ça sert des débats comme ça. C'est pas la peine. Merci pour l'arsène. J'en ai plein le cul. Alors donc, pour terminer, moi je peux vous dire que dommage qu'on n'a pas été plus loin parce que moi je trouve que un débat sur les sosies c'était quand même à faire, mais bon, ben, ça c'est mal terminé, tant pis pour vous, hein. C'est pas de ma faute, c'est de la faute aux deux, vous en prendrez après toute la semaine. Dimanche si vous voulez. Et au niveau des sosies alors, la conclusion? Ben, je te dis, grâce à vous deux. Non mais c'est pas une conclusion. C'est pas ta conclusion, c'est pas ce que tu penses. Mais disons, bon, ben, je pense qu'il y a des sosies un peu partout et voilà. Salaud, faut les trouver.